cherche comprendre. Est-ce que tout ça moun ka di sa vre? Yo rempli tête à we pi parol. A présent ou pas sa oh la ou ye. Ou te vle fè major, ni se ou ki pon fè ou pon fè. Oh, Poupette, trouvez filant. Poupette, filant.